Intox. Don Vincenzo, Sicilie 1. Yo, j'mets la gomme, sors le gun pour sortir de la guigne. MC depuis l'origine, tu es un gros qu'on met pas haut. Régime, y'a du trafic, jam dans le showbiz et sur le macadam. C'est la crise, tout le monde l'écrase. Le système te brise, les voitures s'embrasent. Ce monde est dégueulasse, j'y trouve pas ma place. Y'a rien qui me plaise, tout qui attise le malaise. L'italo polaco vocal, l'étalon qui claque le vocal dans lequel on bloque mes paroles. Casse pas les couilles avec l'école. J'ai des diplômes qui n'ont pas mis mon cul sur un trône, mais ma bouche derrière des cônes pour un semblant de déconne. Ça m'impressionne comment tout fonctionne pour que tu meurs en somme. Paye ci, paye ça, t'as fait, y'a pas de respect, juste un tas de CB. On vit par le compte courant, quand même si t'es mourant, et pas te fréquenter dans le mauvais tournant. Je croyais que le racket était sanctionné. Regarde même ton sang, ils veulent le ponctionner. Si le bien s'éclipse, on est sur la piste de l'apocalypse. Avant on clamps comme des clefs. Moi je résiste, moi je résiste. L'aîné tombe comme Michael Jackson, les dealers additionnent, et moi je missionne. Les putes michonnent, les faux mitonnent, ça rêve de somme. À 16 ans les filles sont des slices, les pédophiles portent en chasse. Les lascars quittent la classe, on croit que le crime est dans notre race. On confond richesse et classe, souvent confond pour représenter une place. Plaisanter sur ceux d'en face, c'est la folie fils, la Mongolie et le vice. La vie de stress, reste au lit pour éviter la tachycardie. T'as qui parmi tes amis qui remplira le caddie? Sûrement personne. C'est pour ça que je fonctionne l'aune. C'est loin l'époque du code des coms sans atomes de soucis. Les sous sont le principal intérêt. Je suis terrien ici, y'a rien à tirer. Je vais me tirer, putain. Je vois le monde empirer. Ah pardon, bientôt on peut plus respirer. La fin c'est long, les conséquences de l'homme qui casse sans intelligence et en masse. Monsieur, tu ne mérites pas le titre. Pour moi t'es un piètre pitre. Ouais, on fait semblant de rien voir, de croire que tout va bien. Mais qui peut m'affirmer que demain sera mieux qu'hier? On croit qu'ailleurs c'est mieux, je ferme les yeux. Je me laisse aller, c'est juste pour voir jusqu'où mes rêves me portent. Mais rien n'arrivera, je le sais, je reste pessimiste. Car je suis réaliste et trop d'illusionniste. M'ont ruiné le mental, mon talent juste bon pour t'emmener au creux de l'enfer. Et ceux qui me critiqueront n'ont rien compris. Ma technique qui fume le cerveau, je reste vrai quoi qu'il arrive. Et il est vrai qu'il m'arrive parfois de plier les cieux, les beaux jours après lesquels on court, à tel point que je doute de leur existence. Mon arme à science en trans, transit explicite. Quand je m'affirme sur le beat, c'est pour que tu te la fermes. J'en ai marre, est-ce que tu cernes le problème? Est-ce que tu cernes le problème? Si le bien s'éclipse, on est sur la piste de l'apocalypse. Bon qu'on clame comme des clefs. Moi je résiste, moi je résiste. Si le bien s'éclipse, on est sur la piste de l'apocalypse. Avant qu'on clame comme des clefs. Moi je résiste, moi je résiste. Vince, Vince, yo. Yo. Ra, da, da, da.